Alors, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième portion de l'émission en langue française. On vous l'a annoncé en introduction de l'émission. J'ai à mes côtés Leïla Benhajouja, qui est étudiante au doctorat au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, qui travaille sur la question du féminisme islamique, un sujet qui est peut-être bien connu dans le milieu académique, mais que l'on gagnerait à connaître dans les débats publics pour mieux suivre à la fois les débats qui se posent en diaspora pour les populations musulmanes en contexte minoritaire ici dans l'immigration en Occident, mais aussi pour connaître tout ce mouvement féministe qui existe dans la société musulmane et qui malheureusement qui demeure trop peu connu. Alors Leïla a été au Maroc récemment, elle a participé à ce qu'on appelle les forums jeunesse des quartiers du monde qui a eu lieu à Rabat, donc capitale marocaine. On va également s'entretenir avec elle sur quelques-uns des témoignages et des observations qu'elle a pu faire au contact de la population marocaine pour essayer de recueillir quelques-unes des observations de la population sur la situation politique qui prévaut au Maroc actuellement. Alors Leïla, bonsoir. Bonsoir Mouloud. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tu pourrais nous en dire juste davantage sur cette rencontre qui a eu lieu à Rabat, qu'on appelle les forums jeunesse des quartiers du monde, s'il te plaît, et introduire un petit peu le sujet. Oui, en fait, ça avait lieu à Salé, qui est une petite ville à côté de Rabat, on va dire, c'est la banlieue à côté de Rabat, c'est une ville beaucoup plus défavorisée, elle n'a pas le luxe de la capitale marocaine. Alors le forum était organisé par une petite association locale de jeunes de Salé, et qui ont réussi à trouver du financement, puisque c'est toujours le nerf de la guerre, pour effectivement constituer un forum qui réunirait plusieurs jeunes de quartier, en général de quartiers populaires, principalement de pays africains, mais ils ont également des associations en Europe et en Amérique du Sud. Donc c'est des petites cellules de jeunes de quartier du monde qui se réunissent, et cette fois c'était la deuxième édition, à Salé, pour justement parler de ce qu'ils ont de commun et de ce qu'ils ont de différent, principalement sur la vie de quartier. Donc comment les jeunes peuvent s'impliquer dans leur vie de quartier, qu'est-ce qu'ils peuvent changer, voir les stratégies adoptées par les différentes associations pour sensibiliser les jeunes, et ça touche différentes questions, autant la question d'égalité de genre, autant des questions d'environnement. Donc ça ratissait large. Est-ce que, en dehors des représentations qui venaient de d'autres parties du monde, est-ce qu'on retrouvait par exemple d'autres participants qui venaient de la sous-région maghrébine ou du continent africain ? Oui, bien sûr. Il y avait des associations marocaines, algériennes, tunisiennes, égyptiennes. Il y avait même des Palestiniens, deux jeunes Palestiniens qui ont rejoint le groupe. Alors justement, quels sont quelques-uns des sujets qui ont été à l'ordre du jour lors des débats ? Alors, ce qui finalement se polarisait toujours vers la question qui préoccupe, je pense, la jeunesse maghrébine, africaine et moyenne-orientale, c'est la question d'égalité entre les genres. Je dis genre parce que c'est je me positionne théoriquement, je ne dis pas l'égalité des sexes, je dis la question du genre. Et également la question des minorités. Quelles minorités plus particulièrement ? Les minorités sexuelles, d'accord, les minorités religieuses, et puis la question de gouvernance. Mmh. Donc comment est-ce que les jeunes peuvent s'organiser, peuvent s'impliquer dans des associations, qu'elles soient politiques ou non, pour justement s'impliquer dans la gouvernance et pour une meilleure gouvernance démocratique. Donc. Alors des sociétés qui a priori on pourrait juger comme rigoristes et conservatrices, comment est-ce que cheminent graduellement ces débats sur la question des minorités sexuelles notamment et du droit à la différence plus largement ? Je vous dirais que là, on était dans un terrain favorable à la discussion, puisque la plupart des associations étaient des associations amies, on va dire. Mmh. Donc, tout le monde se prononçait en se disant de gauche. Mais là, on voyait qu'il y avait des clivages. Par exemple, les groupes brésiliens qui avaient vraiment à cœur le militantisme pour l'égalité et le droit des homosexuels socialement, puisqu'ils ont un droit politique, juridique, mais socialement, ça reste très réprimandé. Alors que, je dirais, les jeunes maghrébins n'étaient pas si touché par la question, c'est une question de priorité, une question d'urgence. Et là, on voyait que les urgences n'étaient pas nécessairement les mêmes. Mmh. Mais pourtant, c'est un phénomène qui est présent sociologiquement dans la société. Absolument. Mais qui n'est pas posé sur la place publique, visiblement. Non, ça reste quand même une question taboue. Mais vous voyez, c'est quand même un peu... c'est taboue, mais en même temps, c'est présent. Mmh. Je pense toujours au chanteur de raï algérien qui s'appelle Cheb Abdou, qui est homosexuel et qui chante l'amour pour son copain, etc. Et tout le monde adore, il est vraiment très populaire, tout le monde sait qu'il est homosexuel. Mais... étant donné que c'est une star, c'est un artiste, disons que ça reste lointain et acceptable. Mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est un sujet difficile à aborder. Alors j'aimerais bien que tu reviennes sur ce que tu disais de façon rapide en intro. C'est comment est-ce que ces enjeux-là et ces questions-là, quand ils sont soumis au débat public, permettent de déplacer les frontières classiques gauche-droite? Qu'est-ce que tu entends plus particulièrement par là? Bah, ce que j'entends par là, c'est que, étant donné que tout le monde était d'accord sur les questions du capital, les questions économiques, disons que la gauche se rejoint universellement sur ces questions-là. Mais par contre, quand on rentre sur la, on aborde la question des droits individuels, des droits sexuels, des questions de la famille, des questions des rapports de genre, on voit que là, les questions sont beaucoup plus sociétales, beaucoup plus ancrées dans le particulier que dans l'universel. Mais justement, alors pour essayer de faire évoluer les mentalités sur ces questions-là, au Guérilla, il y a un collectif qui travaille sur ce qu'on appelle l'évolution des mentalités masculines. Est-ce que la voie à prendre, c'est la question des droits dont il faut faire la promotion, ou bien, parallèlement, est-ce qu'il faut également s'intéresser aux modes de régulation des sociétés? Parce que dans les modes de régulation des sociétés, il y a toutes sortes de mécanismes à partir desquels est jugulé le rapport à la différence et le rapport à la minorité sexuelle, notamment. Bon, c'est un sujet qui est un peu compliqué sur le plan anthropologique, mais... Qu'en penses-tu ? Moi, je pense vraiment que chaque société doit trouver à l'intérieur de sa société les réponses à ces questions-là. Mmh. Et qu'il n'y a pas de modèle qu'on pourrait exporter ou importer d'ailleurs. C'est ce qui fait que souvent les associations, les ONG étrangères et qui même si elles ont des alliances avec des associations locales, n'arrivent pas justement à faire évoluer ou à discuter sur ces points-là. À titre d'exemple, pendant le forum, il y avait une représentante d'une association, d'une ONG espagnole au Maroc et qui est venue avec un discours, certainement elle avait de très bonnes intentions, mais il y avait très peu d'ouverture de la part des jeunes face à son discours. Qui, elle citait Simone de Beauvoir, elle citait, c'était très beau, mais disons que concrètement, ça ne répond pas aux problématiques locales. Alors, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a le chantier du féminisme islamique qu'on voulait aborder. Très brièvement, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur ce forum et ce qui s'est débattu, est-ce qu'il y a un site internet qu'ils peuvent consulter? Est-ce qu'il y a des références quelconques que tu pourrais donner très rapidement comme ça? Alors, pour le féminisme islamique, ce n'était pas une question qui était traitée dans le forum. Pour le forum, il y a un site, vous tapez sur Google FIJ, donc Forum International des Jeunes, et ensuite vous pouvez taper Quartier du Monde, vous allez tomber sur le site. Pour le féminisme islamique, ça c'est, ouais. Ça, c'est un autre débat plus théorique. Alors j'y arrive justement, malheureusement Leïla, on n'a pas beaucoup de temps, tout ce que tu nous dis est très passionnant. Alors globalement, quand on analyse un peu ce qu'on appelle les processus de contestation qui émergent dans ce qu'on appelle le monde arabe, mais on va s'arrêter ici au Maghreb, très souvent dans les médias, ce qui est relevé, c'est l'absence finalement des femmes comme acteurs structurants. Alors à la lumière précisément de cette question qui émerge, qui est la question du féminisme islamique, peut-être que les femmes se mobilise à l'intérieur des sociétés, mais sous des modes politiques différents. Et parmi ceux-là, il y a ce que tu appelles le féminisme islamique qui gagnerait à être connu, sans doute. Absolument. Et qui gagnerait à être connu, en plus de ne pas être étiqueté comme un oxymore, parce qu'il l'est même d'un point de vue théorique, il est très difficile de défendre cette position-là. Donc c'est un féminisme qui émergerait de contextes locaux. Et pourquoi je dis islamique? Parce que ce n'est pas seulement des femmes laïques qui sont porteuses d'un discours féministe, mais aussi des femmes croyantes, pratiquantes et qui s'inscrivent dans le discours religieux pour faire une réforme et une lecture féministe de l'intérieur. Alors ce que tu nous dis, ce qu'il faut comprendre par féminisme islamique, ce sont des femmes qui portent une préoccupation, si vous voulez, pour des enjeux de société, mais qui trouvent des réponses à l'intérieur du corpus coranique. Alors la question qui doit en découler, c'est quelle est la différence entre ce qu'il faudrait entendre par féminisme islamique et féminisme islamiste? Alors féminisme islamiste, c'est-à-dire c'est la branche on va dire féminine dans les groupes islamistes. Donc c'est quelque chose de différent du féminisme islamique. Oui, c'est quelque chose de différent du féminisme islamique. Même si des fois, ils peuvent se rejoindre. Il faudrait parler des féminismes islamiques avec S. Et là, on pourrait mettre à l'intérieur des féministes musulmanes, socialisées musulmanes et d'autres qui seraient engagées dans des partis islamistes. Alors justement, comment, si vous voulez, les femmes qui portent ces réflexions-là, qui sont sans doute présentes dans des associations, mais est-ce que ça arrive à cheminer dans les partis politiques qui ont des plateformes religieuses? Est-ce que, par exemple, ce type de débat émerge au Maroc à l'intérieur d'un parti comme l'Adha ou l'Ihsan, ou bien un parti comme le PJD qui vient de remporter la majorité? Oui, le PJD, il a une section femmes. Donc, qui sont chargés, cette association-là, le groupe femmes, sont chargés des questions de femmes. Et l'Adl al-Ihsan, ben justement, la grande figure de l'Adl al-Ihsan, c'est Nadia Yassine, donc qui était à la tête d'une grande militante du, du Adul Ihsan. Donc il y a des femmes, même islamistes, qui sont à l'intérieur et qui font également un travail des droits des femmes. Maintenant, jusqu'à quel degré on pourrait parler d'égalité, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, elles font un travail des groupes de femmes. Okay. Est-ce qu'il y a des auteurs importants qu'il faut connaître pour des gens qui veulent en savoir davantage sur ce courant de pensée? Absolument. Et il y a Amina Wadud, qui est une afro-américaine convertie, qui est très intéressante à lire. Il y a Margot Badran, qui est une universitaire qui a beaucoup écrit sur le féminisme islamique. Il y a Fatima Mernissi. Fatima Mernissi, évidemment, la grande sociologue marocaine. Il y a Ziba Mir Husseini, une iranienne. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent en savoir davantage, ils peuvent te contacter, mais c'est parce que je voulais qu'on enchaîne. Excuse-moi, Leïla, d'être si cavalier. Problème. Alors, au gré, si tu veux, des révoltes qui ont lieu actuellement au Maroc, il y a un mouvement qui est très peu connu, qui est le mouvement du 20 février, qui a à la fois contesté le référendum de réforme entre guillemets de la constitution marocaine et qui a appelé au boycott des dernières élections. Alors, qu'est-ce que disent la jeunesse marocaine des réformes initiées par le roi et par la monarchie? Les jeunes marocains du 20 février disent que les changements qui ont été proposés, qui ont été faits dans la constitution ne sont pas suffisants et que ça ne répond pas réellement à leurs revendications. Maintenant, ce mouvement-là de 20 février, c'est un syncrétisme de revendications. On retrouve plusieurs groupes, différents groupes. Mais la question fondamentale, c'est la question de la gouvernance et aussi les questions économiques qui sont vraiment centrale au Maroc. Ça reste encore un problème très important. Les inégalités sociales sont très importantes. La pauvreté en croissance. Une dernière question qui préoccupe beaucoup un groupe comme le nôtre, la question sahraoui par exemple, qui empoisonne les relations maroco-algériennes, comment est-ce qu'elle est perçue? Est-ce que la gauche marocaine et ce mouvement de jeunes arrivent à abattre, si tu veux, un petit peu ce tabou de la question sahraoui? Est-ce qu'il y a des gens au Maroc qui sont sensibles à l'autodétermination du peuple sahraoui ou comment ça émerge? C'est une question délicate. C'est une question très délicate. Mais est-ce que ça fait l'objet de débats à l'intérieur de ce mouvement des jeunes marocains? Je ne pourrais pas répondre à une certitude, mais je pense que non. C'est, ouais. La question du Polisario, elle a tellement polarisé Algérie-Maroc que ça devient des questions nationalistes. Et la question d'une unité maghrébine, par exemple, qui pourrait aller au-delà de la glaciation des rapports algéro-marocains? Je pense auprès de la population, oui, c'est une question très intéressante. Moi, la plupart des Marocains, quand on me disait « nous sommes des frères », etc., dans le discours populaire. Maintenant, d'un point de vue politique, je ne crois pas que les États se sont très intéressés pour le moment à une alliance maghrébine. Leïla, ça fait déjà 15 minutes, tout ça est passionnant. Est-ce que tu peux me faire une promesse devant tous mes collègues, mais surtout devant les auditeurs et les auditrices, que tu reviendras pour nous en parler de façon beaucoup plus exhaustive? Avec plaisir. Voilà, alors 19h30, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, il y a Doc qui m'attend, l'émission est riche. Alors voilà, dans quelques instants, on va enchaîner avec la Somalie. Restez à l'écoute, on va entendre tout de suite une chanson de Cheb Abdou. Alors Leïla Berhadjoudja, merci beaucoup. Alors pour ceux qui veulent en savoir davantage, je donne tout de suite le numéro de téléphone du studio. Il était écrit quelque part d'habitude. Donc là, alors c'est le 514-448-43. Si vous voulez avoir des informations, appelez-nous, mais surtout pendant la pause. Voilà, une petite pause musicale et on revient avec la portion de l'émission en langue anglaise.